ci biir bagage yi di nga ci fekk saabu saabu xabat sawda ak saabu zeyt zeytun ak saabu asal. Saabu yi yépp 250 pièces la, benn bu nekk à peu près 250 francs CFA lay dikkee. 250 saabu, benn bu nekk 250 CFA la dikkee presque. Parce que fii ñu ngi koy jaayee ci place yi à peu près ay 300 francs CFA, mais boo jëndee lu bëri mën nga wàññi. Barakallahu fiik.